Je suis la première à dire qu'il faut démocratiser plus. Je suis la première à me... je suis investie là-dedans depuis des années, etc. Mais par contre, on n'a rien trouvé de mieux jusqu'à présent pour garantir. Alors, on peut dire que c'est un semblant, un simulacre. Non, un simulacre, je ne le dirais pas d'ailleurs, mais que ce n'est pas assez, comme je le dis. Mais pour qu'on change le système, il faut quand même, excusez-moi, si on est démocrate, quelque chose qui essaye de garantir que ça soit la volonté de la majorité. Moi, je ne veux pas faire un coup, je ne veux pas imposer le RIP et le RIC si ce n'est pas la majorité qui le veut. Parce que, alors, attendez, excusez-moi, qu'est-ce qui nous différencie alors? Moi, je trouve qu'il y a un système qui a un déficit représentatif majeur et qu'il faut donner plus de place aux gens, mais je ne veux pas le faire par un coup. Moi, je ne veux pas le faire par un coup. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, Macron représente la majorité? Il a été élu avec 10% des inscrits. Et il est en train de détruire la sécurité sociale contre notre gré. Il est en train de vendre des aéroports alors que toutes les institutions et toute la population refusent. C'est idiot de vendre des aéroports. Il le fait. Ce n'est pas du tout la majorité qui gouverne en France. C'est une infime minorité qui gouverne. Parler parce que, alors là, moi, franchement, en plus, j'aimerais bien croire au Père Noël, mais je me situe pas de ce côté-là. Moi, alors, à l'inverse, j'ai l'impression que ça, c'est Père Noël, parce que ça veut dire concrètement quoi? Vous voyez, moi, alors, pour répondre à ce que je prône, si vous voulez, enfin, je sais pas si j'ai apprôné quelque chose, mais moi, ce qui me semble intéressant, et dans les travaux que je fais, l'atelier constitutionnel qu'on fait, c'est déjà, utiliser les moyens existants. Deux, exiger les moyens qu'on nous doit, comme par exemple la consultation populaire régionale, là maintenant, elle est enfin, dites-moi, je l'attendais depuis je sais pas combien de temps, elle est dans la Constitution, mais les régions la votent pas. Ben ça, il faut le demander, enfin, je sais pas, c'est concret, c'est pas, on va se mettre sur une place et dire qu'on est majoritaire et demander la consultation populaire régionale, ça ne sert à rien, et ça existe dans la Constitution, on peut le demander aux élus. Et alors, je pense qu'il faut réviser la Constitution, et moi, je suis pas d'accord avec vous, monsieur, mais il faut venir à mes ateliers, c'est pas vrai qu'on peut rien faire d'ici à la fin de la législature. Il faut demander, écrire, exiger, faire des pétitions. Il y a des moyens pour qu'on révise cette Constitution. Et notamment, moi, je suis une grande défendresse d'une réforme de l'État citoyenne, parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, en Belgique, on ne fait que des réformes de l'État où on parle de BHV, de la COCOF et de la loi spéciale de financement, ce qui n'a, excusez-moi, jamais fait rêver personne. Mais donc, concrètement, monsieur Chouard, vous voyez, comment concrètement, si on n'en passe pas par une transformation du système constitutionnel, par ce qu'il prévoit lui-même, comment on fait ? Anne-Emmanuel, est-ce que vous avez en Belgique, est-ce que vous avez un RIC constituant ? Est-ce que vous avez la possibilité de votre propre initiative de proposer une révision constitutionnelle et ensuite de l'adopter vous-même ? Mais donc, comment allez-vous faire pour réviser ? Vous allez devoir vous en remettre aux élus. Or, mais alors, Anne-Emmanuel... Ayons cette discussion, s'il vous plaît, parce que ça, c'est tout à fait central. C'est absolument décisif. Où est-ce que je me trompe quand je dis les professionnels de la politique, quand ils écrivent la Constitution, ils sont en conflit d'intérêts parce qu'ils sont en train d'écrire les règles qu'ils devraient craindre. Où est-ce que je me trompe? Tous les professionnels de la politique ne sont pas dans la même conception de la démocratie. Non, ils ne sont pas forcément en conflit d'intérêts. Non, mais vous êtes en train de me dire qu'il y en a des gentils, des méchants, il y en a des bons et des mauvais. Non, mais le conflit... Non, mais... Au Père Noël, mais pas deux fois qu'on me prend pour une débile totale. Donc, conflit d'intérêt, ça ne dépend pas de la personne. Quand on dit qu'un juge est en conflit d'intérêt parce que sa fille arrive au rôle du tribunal, au planning, il a à juger sa fille, même si c'est un très très très bon juge, il est en conflit d'intérêt, il doit se récuser. Le conflit d'intérêt, ça ne dépend pas de la personnalité de la personne. Les professionnels de la politique, ils sont en conflit d'intérêt indépendamment de leur mental, de leurs opinions, de leurs projets. Pourquoi c'est un intérêt contradictoire? Parce que le conflit d'intérêts, l'exemple du juge est juste. Vous avez un juge qui doit juger sa fille. Il a un conflit d'intérêts parce qu'il n'a pas, on suppose d'ailleurs qu'il n'a pas envie de l'envoyer en prison. Quand vous dites que les élus, les professionnels de la politique, qui ne sont pas tous professionnels de la politique, ça, à nouveau, moi, pour moi, c'est une généralisation qui est abusive parce que les partis politiques ne défendent pas la même vision des carrières. En tout cas, en Belgique, je pense que c'est la même chose en France. Et que donc, il y a certains partis politiques qui ont adopté des règles internes qui visent à limiter cette professionnalisation comme des cumuls dans le temps, etc. Donc déjà, vous voyez, pour moi, c'est déjà pas les professionnels à la politique. Suivant les gens, le conflit d'intérêts, il est structurel. Non, mais vous voyez, là, c'est la ligne de fond entre vous et moi. C'est que vous présumez que la démocratie représentative implique forcément un conflit d'intérêts, parce que forcément que les élus, ils changent les règles. Mais non, pas du tout. Mais non, Anne-Emmanuel, j'imagine très bien une démocratie représentative. Je ne suis pas du tout opposé à la démocratie représentative. Je dis juste que les règles de la représentation ne doivent pas être écrites par les représentants, parce que les représentants sont en conflit d'intérêts. Les règles de la représentation vont... Ça tient pas votre argument, si vous pourrez dire un sujet pour les électeurs. Si, ça tient très bien. Allez-y, on voudrait dire la même chose pour les électeurs. Ben voilà, votre argument, c'est une plaidoirie de la rupture, comme j'en explique chez nous, parce que je peux vous dire exactement la même chose pour les électeurs. Mais pourquoi les électeurs? Les électeurs, c'est les représentés, c'est l'immense majorité de la population. Donc, quel est le problème qu'ils adoptent la règle de leur propre statut? Ils seraient en conflit d'intérêts, là. C'est le statut des représentants qui vont écrire. Non, si nous écrivons... Attendez, il faudrait que je... Si moi je suis représenté, je n'aspire pas à être représentant. Donc je suis comme, c'est pas la majorité, c'est la presque unanimité des citoyens, nous sommes représentés. Nous avons besoin d'être représentés, nous ne voulons pas être représentants. Nous sommes les seuls, je dirais, les seuls légitimes à écrire les règles de la représentation, parce que nous allons écrire les règles qui concernent les représentants, pas nous, les représentants. Donc, mais pas du tout, il n'y a pas de conflit d'intérêt. L'intérêt des représentés, il est conforme à l'intérêt général, il est le même, il se confond. L'intérêt des représentés, c'est-à-dire que la quasi-unanimité, se confond avec l'intérêt général. Alors que l'intérêt des représentants, qui vont craindre le texte qu'il était question d'écrire, Anne-Emmanuel, mais parce que ce texte, il faut qu'ils en aient peur. Ce texte, il va nous protéger contre eux. Ah ben, c'est l'idée de la Constitution. Alors, peut-être qu'on n'est pas d'accord sur l'idée d'une Constitution. Mais si vous ne considérez pas la Constitution, non, je ne pense pas ça. Ah ben, voilà, ça c'est un point de désaccord. Mais la Constitution, ça devrait être le seul texte qui nous protège contre Macron. Si tu voulais, il faut que dans la Constitution, il y ait un texte qui dise les citoyens, quand ils ne sont pas contents de Macron, parce qu'ils considèrent qu'il les a trahis, il faut qu'on puisse le virer. Eh bien, ça, c'est une protection. Et une vraie constitution, ça devrait permettre de révoquer les représentants dont on n'est pas content. Mais c'est élémentaire, ça. Et ce texte-là, qui devrait être une protection, il ne peut être écrit que par nous. Parce que les autres, ils sont en conflit d'intérêt. Je me mets à la place de Mélenchon. J'en prends un sympa, que j'aime bien. Je me mets à la place de Mélenchon en train d'écrire la constitution. Il faudrait qu'il se fasse harakiri en disant « il faut qu'il me vire, il faut qu'il puisse me virer à tout moment, et puis c'est eux qui vont changer les règles du contrat, et puis ils pourront changer la constitution et dire que je suis... » Il le fera jamais parce qu'il a un intérêt personnel contraire. Le texte qu'ils ont écrit, la France Insoumise, qui sont des gens que j'aime bien, c'est des gens dont je suis proche. Intellectuellement, je suis proche d'eux. Donc, je ne leur fais pas le procès d'être des salauds, des malfaisants, des ennemis du peuple. Pas du tout. C'est des gens bien. Regardez la loi, la proposition de loi qu'ils nous ont écrite pour le RIC. Ils nous donnent le RIC législatif. Ils nous donnent le RIC abrogatoire pour abroger une loi. Pas les traités. Ils ont oublié de nous donner le droit d'abroger les traités. Ils nous donnent le droit, le RIC révocatoire. Et ils ne nous donnent pas le RIC constituant. Ils le gardent pour eux. Le RIC constituant, ça nous permet seulement de demander la convocation d'une assemblée constituante, et elle va être élue. Donc elle va être élue parmi les professionnels de la politique, et donc on sera encore tenu à l'écart du processus constituant, ce qui veut dire que, globalement, la proposition de la France insoumise, c'est de nous dire, on vous donne 3 RIC, mais on garde le droit de vous retirer ces 3 RIC l'année prochaine, ou quand ça nous pète, parce qu'on a considéré que c'était dangereux et que vous utilisiez mal le RIC. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont malhonnêtes ou mauvais, juste parce qu'ils sont en conflit d'intérêts. Ils ne veulent pas perdre ce pouvoir-là parce que c'est contre leur intérêt personnel. Et je crois qu'ils font la démonstration. C'est des gens bien, et même les gens bien, quand ils sont au pouvoir, ils ne peuvent pas écrire les règles du pouvoir. Il n'y a que nous, il n'y a que les représentés pour écrire les règles de la représentation. Moi, je pense que c'est notre ligne de faille, hein. C'est que opposer les représentés détiennent l'intérêt général et les représentants défendent leur intérêt personnel cette opposition-là, je n'y crois pas. Dans le processus constituant, je ne sais pas. Dans le processus constituant, mais même dans le processus constituant, pour moi, c'est la même question que j'abordais. Donc, si vous voulez, pour moi, ce n'est pas les représentés d'État de l'intérêt général, les représentants dans le processus constituant sont en conflit d'intérêt parce qu'en fait, là, ils seront leur intérêt personnel. Et leur intérêt personnel rentrera en ligne de compte parce que pour moi, cette opposition, la fracture n'est pas celle-là. C'est que pour moi, parmi les représentés, il y en a qui ne partagent pas ma conception de la démocratie, et je crains d'ailleurs qu'ils sont encore très nombreux, mais par contre, dans des représentants, oui, si vous voulez, la fracture, pour vous, c'est une opposition représentant, eux, les élus, qui défendent leur petit intérêt personnel, et nous, les représentés, qui incarnons l'intérêt général. Et moi, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Je vois qu'il y a des gens qui, conformément à notre héritage constitutionnel en Belgique il y a un siècle, estiment que il faut approfondir la démocratie, et ça, il y en a parmi les représentés et il y en a parmi les représentants, et puis il y a de l'autre côté des gens qui restent bloqués malgré les promesses formulées il y a un siècle et qui estiment que c'est pas ce régime-là qu'il faut faire. Mais et notamment cette question de conflit d'intérêts, moi, alors là, vraiment, je ne la partage absolument pas, notamment parce que ça postule, et ça vraiment c'est quelque chose qui est juste, à mon avis, inexact, que tout représentant est incapable de s'abstraire de son intérêt personnel quand il vote des décisions. Et non, moi, je dis juste que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des décisions, c'est des décisions constituantes. Mais ce que je dis, c'est qu'aucun pouvoir n'est capable d'instituer lui-même ses propres limites. Universel, alors. Mais parce que c'est pas une vraie limite, c'est justement parce que c'est totalement une fausse limite. C'était quand même, attendez, pour les élus censitaires, non, là, je ne peux pas vous rejoindre là-dessus. Pour les élus censitaires, quand ils ont voté le suffrage universel, ça voulait dire remettre en cause leur pouvoir. Ça, quand même, il ne faut pas dire l'inverse. Stiglitz disait, je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira, et il avait raison, il le savait. Il savait qu'en instituant le suffrage universel, la désignation de maître, les gens voteraient comme on leur dira, et ça se passe comme ça depuis, Anne-Emmanuel. Les gens votent comme on leur dit. Nous ne sommes... Non. Présenté là. Oui. Mais décider Nous ne sommes pas représentatifs. Les gens politisés, les 10% de la population qui sont politisés, ne correspondent pas à ça. C'est vrai que nous, on ne vote pas comme on nous dit. Mais la plupart des gens, regardez bien, vous voyez bien que les gens votent comme on leur dit. Enfin, je ne comprends pas, de nouveau, excusez-moi. Enfin, je pense que je comprends, mais que je ne suis pas d'accord. Donc, on va instituer de manière pas immanente, mais instituer un RIP ou un RIC. Qui, alors, puisqu'une majorité des représentés ne comprennent pas ? Pas qu'ils ne comprennent pas. C'est pas qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils votent comme on leur dit. Ils votent comme on leur dit, c'est-à-dire qu'ils élisent ceux qu'on leur désigne. J'étais en train de vous chercher, je voudrais que je trouve le texte de Thomas Paine. Une minorité de représentés plus à même vont décider du RIP ou du RIC. Anne-Emmanuel. Encore une fois, c'est super important ça. Après le débat, parce que sinon on va rester sur le même sujet et ça tourne en rond. Mais c'est un débat fondamental, hein. Vous ne devriez pas les compter parce que c'est un débat rare. Un texte de Thomas Paine qui explique que au moment du processus constituant, Thomas Paine, Révolution française, un contemporain de Rousseau, un texte essentiel dans un livre qui s'appelle « Droits de l'homme », chapitre de la Constitution, il explique, et c'est magnifique, c'est imparable, il explique une constitution, c'est un contrat social entre des humains qui décident de vivre ensemble, je le dis avec mes mots à moi, hein, et que quand ces humains se réunissent entre eux, les représentants n'existent pas encore, Emmanuel. Ils n'existent pas encore. Donc, les représentants, ils vont émerger de la Constitution. La Constitution va faire sortir, va faire apparaître des constituants, des représentants. Et donc, ce que dit explicitement Thomas Paine, et là, moi, quand je suis tombé là-dessus, je suis tombé sur un aïeul, quoi, sur un je ne l'avais pas lu avant, mais c'était un précurseur. Je suis tombé sur quelqu'un qui disait, c'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Il n'existe pas encore les hommes de pouvoir. Quand nous nous réunissons, excuse-moi, je fais vite pour vous laisser du temps et ça me fait déparler, mais quand de simples humains qui aspirent à être représentés se réunissent pour en parler, il n'y a pas encore de représentants, nous sommes encore tout à fait tous à égalité. Et c'est de ce contrat social qu'émergent des représentants. Quand des représentants se mettent en tête de nous remplacer dans ce processus, mais le processus constituant est totalement vicié. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là que je dis qu'il y a un conflit d'intérêts. Ils sont en train d'écrire le texte qui va les faire naître. C'est tout à l'envers, à mon avis, sur le plan de la logique politique, une philosophie politique de base. Faut passer dans le sujet, parce que je crois que c'est intéressant comme sujet, mais voilà, ça c'est un des points qui pourrait être tenu en assemblée, je crois, avec les citoyens. Et on peut peut-être passer aux questions suivantes. Merci évidemment pour le travail éminent accompli. Ma question va être très courte en réalité. Voilà.